ça MGP. Ils veulent Tekken Cassiope. J'suis là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'suis pas pressé, j'attends chi. Tu fais ni que t'attends chi. Tout en lozen, tout en chi. Oh chi, j'te vois bogoshi. J'sais pas si tu me dis bogosian. J'suis pas conscient chi. J'quête le coin des trucs cochons. Touche pas, super son son. Quand on vit, c'est comme boum son. J'suis du genre intuition. J'sais qu'à Noël, ça tape boudin. Ah, j'sais que tu kicks bien, je sais. C'est toi l'ayant coquin. J'suis bon dans même vilain. En plus, même pas bilingue. Oh ma vie sans vilain. J'te fais pas un dessin sous tout ton nom destin. Gravera comme Dieu singe. Pas le plus vulgaire, mais j'obtiens la mention. On peut tout mettre dans le neuf, j'ai vu par la fenêtre. Les potes sont là, tous les jours je suis distant. Je vais pas des rimes pour les poussis, mais les poussis dansent. Pardon les messieurs, j'ai les yeux dans le ciel. Tu peux crever pour une connerie, je m'agite sur la scène.